Salut à toutes et tous, la tribu. Bienvenue dans cette 35e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Je suis ravi de vous retrouver et encore merci pour tous vos messages et dédicaces que vous me laissez chaque semaine sur la page de l'émission Facebook Vampire Freaks, l'émission radio. Cette semaine, je vous ai préparé une émission avec amour. On commencera avec Enhancer et Street Trash. C'est sur l'album Street Trash sorti en 2003. On peut entendre Peu importe, Contre-temps et Existence en contre. On s'écoute ensuite Police on My Back de The Clash. C'est sur le triple album Sandinista sorti le 12 septembre 1980. C'est le quatrième album du groupe. On retrouve Magnificent Seven, D-Leader et Career Opportunities. Je passerai ensuite Broussailles et Positive. C'est sur l'excellent In the Streets sorti en 2015. On peut entendre aussi Violence in the Streets, Mr. Mandela et Toujours à fond notamment. Je penserai ensuite Undloss de Defense Station Vir. C'est sur l'album Record sorti en 2014. On retrouve Hate, Lazine, Tipeee. Et on finira ce bloc en live avec Back to the Cave de Lita Ford. C'est sur le troisième album de Lita, intitulé simplement Lita, sorti en 1988. On peut entendre Can't Catch Me Under the Gun et Close My Eyes Forever avec en duo Ozzy Osbourne. We'll be right back. nous inonde. Positive, yo. Positive, positive, that's the only way we have to live. Think positive, recherche en toi toutes les bonnes live ondes. Positive, partage les pour qu'elles nous inondent. Positive, hey. Yeah, positive, yeah, positive, yeah, that's the only way we have to live. Yeah. Quand ta vie va mal, que tout semble perdu, que devant toi l'horizon limpide devient confus. Ta route prend un virage, c'est le dérapage. Les choses prennent une tournure inattendue. Mais la lumière va ressurgir quelque part. À nouveau ton destin va te sourire tôt ou tard. Le meilleur rempart contre le désespoir. Regarde et droit devant, c'est un nouveau départ. Get to you, just live it as it is. I live it positive. Keep the progression going and burn the negative. Just live it as it is. I live it positive. Babylon demand it, I don't care how the people them a live. Just live it positive. The system them a rig. Too much grip them a dig. Treat the people like a pig. Corruption them massive. Where righteousness we live. Rastafari is the ultimate. Think positive. Recherche en toi toutes les bonnes live ondes. Live positive. Partage-les pour qu'elles nous inondent. Live positive. Ciao. Positive, positive. That's the only way we are feeling. Recherche en toi toutes les bonnes live ondes. Positive, partage-les pour qu'elles nous inondent. Live positive, hey, positive, positive. That's the only way we have to live. Now the system is designed to oppress the people. That's why me tell the ghetto youths them burn the evil. Babylon will come to crush them like a weevil. So me find out them mentally feeble. Hey, tell them stop it for a while. Yeah. We see them off the corrupt mama, heard them off the pollute the side. Yow, yow. Quand les embûches sèment des contretemps, je relève la tête, l'âme d'un combattant. L'orage disparaît, le soleil éclatant, c'est la renaissance comme une fleur au printemps. Par ton sourire le matin me levant, ta joie me saisit, me rend tellement vivant. Quel est ce parfum qui flotte avec le vent, me pousse à me battre pour aller de l'avant. Yao, dans la boue on porte sa vie, tel un fardeau. La prendre du bon côté c'est un cadeau. Un simple caillou peut devenir le joyau. Suis-je capable de réécrire tout seul le scénario? Live, live, live up, trust in yourself, you can make it too. Live it up, live it up, live it up. Done what they say, it's what you do. Rise, rise, rise up, look around, if you feel. En toi toutes les bonnes live ondes. Positive, partage-les pour qu'elles nous inondent. Live positive, mais c'est positive, positive. That's the only way we have to live. Think positive, recherche en toi toutes les bonnes live ondes. Live positive, partage-les pour qu'elles nous inondent. Live positive, hey, positive, positive. That's the only way. Mit Sterne zu stehen. Oder noch besser wäre es, die Meere zu teilen, die Massen zu heilen, mach Wasser zu Wein, rette die Welt oder gründ 'nen Verein. Dir fällt schon was Passendes ein. Und los, wir wollen eine Revolution oder eine schnelle Million. Im Moment fehlt die Vision, doch irgendwas findet sich schon. Und los, dann wird Geschichte geschrieben oder mal richtig verdient. Ja, immer noch fehlt die Vision, doch irgendwas findet sich schon. Und los, we'll be right back. I love those dive bombs. Vous êtes toujours dans cette 35e Vapeur Freak, c'est sur votre radio favorite et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Alors on vient de s'entendre Street Trash de Enhancer, Police on My Back de The Clash, Positive de Bruce High, Unloss de Didi Fastagelduir et Back to the Cave en live. On poursuivra avec The Pretty Reckless et House of an Hill, c'est sur Going to Hell sorti en 2014. On peut entendre Follow Me Down, Sweet Thing et Burn. Se diffusera ensuite Death Blow de Deftones, c'est sur l'album Deftones sorti en 2003. On retrouve Hexagram, Good Morning Beautiful et Lucky You. On s'écoutera ensuite Intermondo de Talco, c'est sur le sublime Silent Town sorti en 2015. On peut aussi entendre El Sombra, Nella Strada et Rotolando. On s'écoutera ensuite Mid Volgas, Dourdi Hollow de Betotonde. C'est sur le superbe Anti-Rockstar sorti en 2011. On peut entendre Gasoline, Half I'm a Good Zeit, Kind of Pop Song, entre autres. Et on finira ce bloc en live avec Bob Marley and the Wailers et The Eaton. C'est sur l'album Exodus sorti le 3 juin 1977. C'est le quatrième album de Bob. On peut entendre Natural Mystics, Three Little Birds et One Love notamment. Somewhere in No. mit Vollgas durch die Hölle und vielleicht nie mehr zurück. 300 Sachen, Blinker links. Wir vertrauen auf das Glück, denn wir wollen nur ein Stück. Vous êtes toujours dans sa 35e Vampire Freak sur votre radio favorite et c'est Spike qui vous accompagne. Bon, ça a plané un peu là entre House of Honey, les Pretty Reckless, Death Blow de Deftones, Intermondo de Talco, Midvolgas, Undy Hule de Beethoven et de Iten de Bob Marley and the Wailers. Mais là, on poursuivra cette émission en live avec Rammstein et Firefly. C'est du live à Nîmes en 2005. Firefly est sur l'album Mutter sorti en 2001. On retrouve Mein, Herz, Brent, Ischwil et Reinhaus. Et bien sûr, Firefly, c'est aussi la bande originale de Triple X. On reviendra en France avec les Van der Rohe et le titre La Crise, c'est sur l'album À bout portant sorti en 2011. On peut entendre aussi Cannabis, Désobéissance et Van der Rohe. On partira ensuite en Suède avec Therion et Son of the Sun, c'est sur l'album Sirius B sorti en 2004. On retrouve aussi Dark Venus Persephone, The Blind of Kingu et un Melek Taos qui fait vraiment flipper. Je diffuserai ensuite Le Monde Bouge de DubMX sur le magnifique Pour qui sonne le dub sorti en 2014. On peut entendre aussi Liberté, Valsing Dub et Crisis entre autres. Et on finira ce bloc en live avec le papy Renaud et Miss Maggie du Visage Pâle rencontré public en 1989. Mais à la base, c'est sur le cultissime Mistral Gagnant de 1985. On retrouve La Peste à la Ligne, Morgane de Toile, Trois Matelots, Petite Conne, Vite tu vas au bal, enfin bref, que des tubes. Schmerzen kennt. The son of the sun. Thank you. Le monde bouge. Le monde bouge. Le monde bouge. Fais pas des tarbois. Fais pas des tarbois. Le monde bouge partout. Le monde éclate. Le règne et le silence. Fais pas des tarbois. Jusqu'au rempart du royaume où l'on adore que l'or. Tout, tout là-haut. Dans vos bastions à Anvernais. Si des élections, ne réveillez-vous pas. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Que le monde se fera sans vous ou contre vous. En forme, hein. Eh, cela dit, vous avez intérêt parce que le spectacle de ce soir est enregistré pour un disque live qui sortira en septembre. Alors, faut mettre l'ambiance, hein, puis si vous mettez une bonne ambiance, vous laisserez votre nom en sortant, puis on mettra vos noms au dos de la pochette, d'accord ? Qui bien souvent être les mêmes, femme normale, star ou poulain, femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers, issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que lorsque le sport devient la guerre, y a pas de gonzesse ou si peu dans les hordes de supporters. Ces fanatiques fous furieux, abreuvés de haine et de bière, édifiant les crétins en bleu, insultant les salauds en fer. Y a pas de gonzesses hooligans, imbéciles et meurtrières. Y en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que une bagnole entre les pognes, tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent. Pour un phare un peu amoché ou pour un doigt tendu bien haut, y en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver leur autoradio. Le bras d'honneur de ces cons-là, aucune femme n'est assez vulgaire pour l'employer à tour de bras, à part bien sûr Madame Thatcher. Parce que tu vas pas mourir à la guerre, parce que la vue d'une arme à feu fait pas frissonner tes ovaires, parce que dans les rangs des chasseurs qui dégomment la tourterelle et occasionnellement les beurs, j'ai jamais vu une femelle. Pas une femme n'est assez minable pour instiquer un revolver et se sentir invulnérable, à part peut-être Madame Thatcher. C'est pas d'un cerveau féminin qu'est sorti la bombe atomique, et pas une femme n'a sur les mains le sang des Indiens d'Amérique. Palestiniens et Arméniens témoignent du fond de leur tombeau qu'un génocide c'est masculin comme un SS un torero. Dans cette putain d'humanité, les assassins sont tous des frères, pas une femme pour rivaliser, à part peut-être Madame Thatcher. T'aimes surtout enfin pour ta faiblesse et pour tes yeux, quand la force de l'homme ne tient que dans son flingue ou dans sa queue. Et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé de crétins, jouant au foot ou à la guerre, à celui qui pisse le plus loin. Moi je me changerai en chien si je peux rester sur la terre, et comme réverbère quotidien, je m'offrirai Madame Thatcher. Merci beaucoup. Vous êtes toujours dans la 35e Vampire Freak chaque semaine à la même heure et c'est Spike qui vous accompagne. Alors on vient de s'écouter Firefly en live de Rammstein, La Crise de Van Dylan Riff, Son of the Sun en live, tu vois je l'avais même pas dit, Le Monde Bouge de Dobamix et on a refini en live avec Miss Maggie de Renault. Alors on poursuivra avec un grand classique de Hubert Félix Thiéphaine en live dans Quel est ta terre, en live au Zénith de Paris en 1999. Mais on retrouve ce morceau sur l'album Le Bonheur de la Tentation, sorti en 1998. C'est le 12e album studio de TFN. On peut entendre La Ballade d'Abdallah Geronimo Cohen, La Philosophie du Chaos, merci Monsieur Nietzsche, et Exercice de simple provocation avec 33 fois le mot coupable. Le titre est long, mais le morceau, il vaut le coup. On poursuivra avec Rose Tattoo des Dropkick Murphys. C'est sur le magnifique Signed, Sealed and Blood, on Blood, sorti en 2013. On retrouve aussi The Boys Are Back, Prisoner's Song et My Hero notamment. On s'écoutera ensuite Mass Hysteria et Tout est Poison, c'est sur le merveilleux Matière Noire sorti en 2015. On retrouve aussi L'Espérance et le Refus, L'Enfer des Dieux, Plus que du Métal et plein d'autres. Je passerai ensuite What's Up de Supersonic, c'est sur l'album Supersonic sorti en 2014. On peut aussi entendre Where is Your World, Ready to Ride, One Way Ticket. Et allez faire un tour sur la page de Facebook de Supersonic avec un K Supersonic. Et on finira ce bloc en live avec les Doors des Spanish Caravan. C'est sur l'album à la base Waiting for the Sun sorti en 1968. Sur cet album on peut entendre Hello I Love You, Lost Street et Mr. White Love. We'll be right back. enfants ne dansent plus maintenant et commémorent à travers leurs modems et leurs écrans de goulag le fardeau de leur âme sur le poids de leur corps quand le futur bascule au bout des terrains vagues. Précisé sur les calendriers, 50 et des poussières après Adolf Hitler. 2000 à préciser dans le flot des damnés, tu te refais les paupières pour cracher ton cancer. Terre, terre, terre, joyeux anniversaire. La fois où je l'ai vu, c'était en 1964. Tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, and then be on my way. I traveled far and wide, laid this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. Through the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo. Your name written here in a rose tattoo.

Vous êtes toujours dans la 35e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Alors on vient de s'écouter dans Quel état terre de Hubert Félix TFN, Rose Tattoo des Dropkick Murphys, Tout est poison de Mass Hysteria, What's Up de Supersonic et Spanish Caravan des Doors. On continuera cette émission avec Hors Contrôle et Liberté Surveillée, c'est aussi le nom de cet album de 2003. On retrouve Jeunesse Rebelle, Fière et Toujours Debout. Si on écoutait un bon vieux Tosh. Ok, alors ça sera In My Strong, c'est sur le No Nuclear War de 1987, on retrouve sur cet album Come Together, Listen In My Life et Vampire, et c'est le dernier album de Peter Tosh. Je diffuserai ensuite OTH et les Clowns Électriques, et c'est sur l'album Réussite de 1984, on retrouve aussi Euthanasie pour les vieux rockers, Les Araignées ne dorment jamais et le S'exprime, entre autres. Je passe ensuite un bon Slakers de Same Every Day. C'est sur le Great Rock Steady Swindle sorti en 2010. On retrouve Mr. Tragedy, Cheated et Don't Look Back. Et on finira ce bloc en live avec Aerosmith et 3 Mile Smile. C'est sur le Night in the Roots sorti en 1979. On retrouve sur ce grand classique No Surprise, Cheesecake et Think About It. We'll be right back. symphony. In my soul is the rhythm. Oh, in my soul is everything to me. Trop sympathique. Ah, nous sommes les

Alors, on vient de s'écouter Liberté surveillée de Hors Contrôle, In My Zone de Peter Stosh, Les clowns électriques d'OTH, The Same Day, Same Every Day de Slakers et 3 Mile Smile de Aerosmith. Cette 35e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi sur cette antenne. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Et on finira ce bloc avec Snoop Dogg et Who Am I. C'était encore à l'époque où il s'appelait Snoop Doggy Dogg. Et l'album, c'était Doggy Style. Le premier album de Snoop Dogg en 1993. On retrouve sur ce classique Gin and Juice, We Balls et For All My Niggas and Bitches. À la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Vampire Freaks, l'émission radio. Salut à toutes et tous, la tribu! Back to the block, Snoop Doggy Dog, funky, yeah, the dot. Went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, follow me, follow me, follow me, but don't lose your grip. Nine trizz ain't the year's in for me to fuck up shit. So I ain't holding nothing back, and motherfucker, I got five on the 20 sack. It's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a nigga on his back. Yeah, so keep out the manuscript. You see that it's a must, we drop gangsta shit. What's my motherfucking name? It's the bow to the wild, creeping and crawling, yiggy yes yo, then Snoop Doggy Dog in the motherfucking house like every day, dropping shit with my nigga Mr. Dr. Dre. Like I said, niggas can't fuck with this, and niggas can't fuck with that shit that I drop, cause you know it don't stop. Mr. 187 on the motherfucking top. Tick tock, now with a Glock, just some nuts in a cock. Robbing motherfuckers, then I kill them blood cops. And I step through the fog and I creep through the smog, cause I'm Snoop Doggy, Doggy, Doggy, oh. Your hands in the motherfucking air and wave the motherfuckers like you just don't care. Yeah, roll up the dank and pour the drink and watch it stink. Why? Cause doggies on the gang. My bank rolls on swole. My shit's on hit legit. Now I'm on parole. Stroke. With the dog pound right behind me and up in your bitch is where you might find me laying that, playing that G thing. She want the nigga with the biggest nuts. And guess what? Is I and I am him, slim with the tilted brim. What's my motherfucking name?